Ô vivant du tombeau, vivant de l'infini, Jéhovah, Dieu, clarté, rayon jamais terni. Pour faire de la mort de la nuit des ténèbres, ils ont mis ton triangle entre deux pieux funèbres. Et leur foule, qui voit resplendir ta lueur, ne sent pas à son front poindre une âpre sueur. Et l'horreur n'étreint pas ce noir peuple unanime quand ils font, pour punir ce qu'ils ont nommé crime, au nom de ce qu'ils ont appelé vérité, sur la vie, ô terreur, tombez l'éternité.